Le baptême de Clovis par Christian Pfister. Le jour de Noël, le 25 décembre de l'année 496, Clovis, roi des Francs saliens, se convertit solennellement à la religion chrétienne, professant la foi orthodoxe, et reçut le baptême dans le baptistère de Reims. Ce fut un grand événement qui décida des destinées de la nation française, de celle de l'humanité même. Clovis régnait sur la tribu des Francs saliens depuis 15 ans. Il avait succédé en 481, dans sa 15e année, à son père Childéric en vertu de l'hérédité. Il pratiquait à ce moment la religion des anciens Germains. Ses dieux étaient Wotan, Ziu, Freya. Son royaume était encore très petit. Le centre en était la ville de Tournai et il s'étendait au sud jusqu'à la Somme. Le jeune roi était intelligent et ambitieux. Il voulait connaître cette religion chrétienne qui était devenue celle des populations gallo-romaines. Il rêvait de la conquête de la Gaule, abandonnée par Rome, où un officier romain, Syagrius, s'était taillé une principauté indépendante autour de Soissons, où des chefs Visigoths et Burgondes, chrétiens sans doute mais ariens, avaient fondé des royaumes dans la vallée de la Garonne, dans celle de la Saône et du Rhône, et que les Alamans menaçaient du côté de l'Est. Pour conquérir la Gaule, ils devaient donner des gages aux habitants gallo-romains, très dévoués à l'orthodoxie, à leurs évêques, dont l'influence était considérable. Ils devaient protéger leur culte, aller au-devant de leur religion jusqu'au jour où il serait gagné lui-même par elle. Les étapes de sa conquête marquent les étapes de sa conversion. Il mit d'abord fin, en 486, à la domination de Syagrius. Il remporta sur lui une éclatante victoire dans le voisinage de Soissons. Il le contraignit à chercher un refuge au sud de la Loire, chez le roi des Visigoths, Alaric II, qui le livra. Dès cette première victoire, il témoigna un respect très grand aux évêques catholiques, en qui il reconnaissait une force mystérieuse. Il voulut rendre à l'un d'eux un vase sacré qui était dans sa part de butin. Il accueillit avec déférence les exhortations que lui donna l'évêque de Reims, Rémy. « Que ton prétoire soit ouvert à tous, que personne n'en sorte avec un cœur triste. Avec les richesses que ton père t'a laissées, rachète les captifs et délivre-les du joug de la servitude. Si quelqu'un vient en ta présence, qu'il ne se sente pas un étranger. Plaisante avec les jeunes gens, mais traite les affaires avec les vieillards. Si tu veux régner, il faut t'en montrer digne. » Rémy indique de quel conseiller surtout le roi doit s'entourer. « Recours toujours au conseil des évêques. Si tu t'entends bien avec eux, ton administration sera meilleure. » Cette politique fut suivie par Clovis. C'est grâce au prélat chrétien qu'il étendit sa domination dans les 10 années suivantes, de 486 à 496, sur toutes les cités gallo-romaines jusqu'à la Loire au sud, jusqu'à la Meuse et à la Moselle à l'est. Paris, Verdun, Toul se donnèrent à lui. Il régna sur une population qui était entièrement chrétienne. Chrétien était aussi la plupart des soldats romains qui avaient monté autrefois la garde du Rhin et qui s'étaient joints à lui. Pourtant, il restait encore fidèle à la religion de ses ancêtres, par égard pour ses bandes germaniques qui avaient été ses premiers sujets et qui formaient sa garde. Mais païen, il se montrait très déférent envers la religion chrétienne, et les populations du nord de la Gaule s'estimaient heureuses sous sa domination, plus heureuses que celles du sud ou du sud-est, sur lesquelles régnaient des rois germaniques hérétiques qui favorisaient l'odieuse secte d'Arius. Bientôt, Clovis allait faire un pas au-devant de ses sujets chrétiens. Il épousa, en 493, dans sa 27e année, une princesse chrétienne, Clotilde, fille d'un roi burgonde, Chilpéric, mort depuis quelques années. Les rois burgondes étaient ariens, mais Clotilde, élevée sans doute par une mère très pieuse, était orthodoxe et détestait l'hérésie. Les femmes ont toujours eu une part considérable dans la conversion de leur mari. Le clergé pouvait espérer que Clotilde, par ses 12 exhortations, par sa piété, par ses larmes, amènerait peu à peu Clovis à confesser le vrai Dieu et Jésus, fils de Dieu. La reine voulut agir certainement sur l'esprit de son époux. Non point qu'elle lui tînt les discours que l'historien Grégoire de Tours place dans sa bouche quelque 80 ans plus tard. Elle ne lui parla ni de Saturne, qui a dévoré ses enfants, ni des amours de Jupiter, ni de Mars ou de Mercure. Clovis ignorait ces divinités et l'ancienne mythologie gréco-romaine. S'il se laissa fléchir, ce fut par de meilleures raisons. il permit que son fils Ingomir, qui devait régner sur un peuple chrétien, fut baptisé, et la cérémonie du baptême fut célébrée avec pompe. L'enfant mourut presque aussitôt, encore dans la robe blanche du baptême in albis. Un second fils, Clodomir, fut aussi baptisé. Il tomba malade à son tour, mais fut sauvé par les prières de Clotilde. Clovis, pourtant, ne se décida pas à se convertir lui-même. Des scrupules, des considérations politiques, le désir de ménager ses francs le retenaient dans la religion de ses aïeux. Cependant, à ce moment, un très grand danger menaçait la Gaule et Clovis. Au début du Ve siècle, une population germanique redoutable, descendant de ces Suèves que César avait vaincus, s'était installée entre le Rhin et les Vosges, dans le pays qui plus tard s'appellera l'Alsace, tout en continuant d'occuper sur la rive droite du Rhin les anciens champs d'Écumates, duché de Bade et Wurtemberg actuels. Là ne s'étaient pas arrêtées ces conquêtes. Les Alamans avaient franchi le Rhin non seulement à l'ouest, mais au sud. Ils possédaient les bords du lac de Constance et étaient établis dans ces régions de la Suisse où est parlée aujourd'hui la langue allemande. Leur élan les porta même au-delà de la chaîne des Vosges, sur le plateau lorrain, plus au nord encore sur celui de l'Eifel. Ils disputèrent cette dernière région aux Francs ripuaires, qui finirent par les vaincre près de Tolbiac, dont l'ancien nom se reconnaît dans la forme moderne de Zulpich. Ces Alamans, qui autrefois formaient des tribus isolées, chacune ayant son roi, s'étaient unifiés. Au milieu du Ve siècle, un seul roi, Gibulde, était à leur tête, et ce Gibulde étendit ses incursions à l'ouest jusqu'aux environs de Troyes, où il consentit, à la prière de l'évêque Saint-Loup, à relâcher quelques captifs. À l'est, jusque sur les bords de l'Inn, où, sur les injonctions de Saint-Séverin, il promit d'épargner les castrats Bataba, Passau. Ces barbares menaçaient de submerger tout le nord de la Gaule, et la question qui se posait alors était de savoir si ce pays serait alémanique ou franc, comme on s'était demandé peu auparavant si la Gaule du Midi appartiendrait aux Visigoths ou aux Burgondes. Les Francsaliens avec Clovis s'avançaient de l'ouest à l'est, les Alamans, sous la conduite de leur roi, étaient encore Gibulde, de l'est à l'ouest. Ils devaient forcément se rencontrer et se livrer une bataille dont l'enjeu serait la domination de la Gaule du Nord. Où s'est engagée cette bataille, nous l'ignorons. Nous savons seulement qu'elle fut acharnée, comme celle que livra autrefois, en 451, le patrice Aïssus au chef des Huns Attila. Clovis faillit avoir le dessous, mais il reprit courage et fronça sur les ennemis. Dans la mêlée, le roi des Alamans fut tué et ses guerriers se rendirent au vainqueur. La lutte avec le peuple alémanique n'était pourtant pas terminée. Elle se prolongea 10 années encore, sans que nous connaissions le détail des événements. Certainement, la domination des Alamans en Alsace prit fin. Le pays obéit désormais à Clovis et aux Francs. Clovis imposa même sa suzeraineté à l'Alémanie de la rive droite du Rhin. Des fugitifs alamans demandèrent asile au roi des Ostrogoths Théodoric, maître de l'Italie, et celui-ci les fixa dans la vallée du Rhin supérieur, autour de Coire et dans celle de l'Inn, en Gadine. Théodoric écrivit à Clovis en 507 d'épargner ses restes d'une nation vaincue. Qu'il te suffise d'avoir vu le roi des Alamans succomber avec l'orgueil de sa race, d'avoir en partie exterminé, en partie asservi cette nation innombrable. Croisant l'expérience que j'ai souvent faite, les guerres après lesquelles je me suis montré modéré ont été les plus heureuses. Celui-là est sûr de vaincre toujours, qui sait être mesuré en tout. La victoire de Clovis sur les Alamans lui assurait toute la Gaule septentrionale avec une autorité incontestée, tant sur les Gallo-Romains que sur ses Francs germaniques. Désormais, il n'avait plus aucune opposition à redouter. Il était libre de suivre ses desseins. C'est alors qu'il résolut de faire le dernier pas et de se déclarer pour la religion chrétienne, bien certain que sa conversion entraînerait celle de ses Francs et achèverait de lier à lui les évêques et la population indigène. La victoire éclatante, inespérée, qu'il avait remportée fut considérée comme un miracle. On raconta qu'au fort de la mêlée, alors que l'armée des Francs fléchissait, Clovis éleva ses regards vers le ciel et que, d'un cœur contrit, les yeux remplis de larmes, il s'écria « Jésus-Christ, toi que Clotilde affirme être le Fils du Dieu vivant, toi qui donnes, dit-on, aide à ceux qui sont dans la détresse et la victoire à ceux qui espèrent en toi, j'implore en toute dévotion ton secours. Si tu me donnes la victoire sur ses ennemis, si je fais l'épreuve de cette vertu que tes fidèles t'attribuent, je croirai en toi et me ferai baptiser. J'ai invoqué mes dieux, mais ils se sont éloignés de moi. Je suis donc convaincu qu'ils ne sont doués d'aucune puissance, eux qui abandonnent leurs partisans. C'est toi que j'invoque en ce moment, c'est en toi que je veux croire, pourvu que j'échappe à mes adversaires. Et aussitôt après cette invocation, les Alamans auraient tourné le dos. La grande bataille fut ainsi représentée comme une lutte entre le dieu des chrétiens et les divinités du Valhalla germanique. La victoire ne fut pas celle de Clovis, mais celle du vrai dieu, du dieu unique, qui avait combattu pour lui et que le roi des Francs va confesser publiquement. Clovis, une fois sa résolution prise, voulut donner à la cérémonie du baptême un grand éclat. Il invita à y assister les évêques de la Gaule, même ceux des royaumes Visigoths et Burgondes. Avitus, évêque de Vienne, sujet du roi Gondebaud, reçut le message qui le remplit de joie. Mais, peut-être par crainte de son roi arien, il n'osa se rendre à la convocation. Clovis lui-même visita les grands sanctuaires religieux, affirmant sa foi nouvelle et son désir de la proclamer à la face du monde. Ainsi, il se rendit à Tours, bien que la ville fît partie du royaume des Visigoths, et il fit oraison près de la cité sur le tombeau de Saint-Martin, celui qu'on considérait dès lors comme l'apôtre des Gaules et dont l'on racontait tant d'éclatants miracles. Environ 65 ans plus tard, l'évêque de Trèves, Saint-Nizier, rappela ce voyage dans une lettre qu'il écrivit à Clotsinde, petite-fille de Clovis et femme du roi des Lombards, Alboin, en l'exhortant à travailler à la conversion de son mari et en rappelant quels avantages Clovis, plein d'astuces, avait tirés de son baptême. Clovis entra aussi en pourparlers avec ses Francs encore païens. Il décida la plupart de ceux qui vivaient autour de lui, qui étaient ses compagnons immédiats, à suivre son exemple et à recevoir le baptême avec lui. En ce temps, le baptême n'était en général célébré que le jour de Pâques. Le jour de la résurrection du Sauveur devait être aussi celui de la rénovation pour les hommes. Mais de façon exceptionnelle, le baptême était aussi administré à Noël, et comme, sans doute, la victoire contre les Alamans avait été remportée au cours de l'été, on fixa pour la solennité le jour de Noël 496, et l'on trouva aussi un symbolisme à cette date. Avitus écrira à Clovis après la cérémonie « Que ce jour soit aussi votre jour de naissance. Vous y êtes né pour le Christ, comme le Christ pour le monde. Vous y avez consacré votre âme à Dieu, votre vie à vos contemporains, votre renommée à la postérité. » La ville de Reims fut désignée comme lieu du baptême. Le choix s'explique à cause de l'antiquité de la cité, des nombreux édifices romains qui étaient restés debout, des églises chrétiennes qui s'y étaient élevées, des martyrs qui, au temps des persécutions, y étaient morts pour leur foi. Saint Nicaise y avait construit, sous l'invocation de Notre-Dame, une cathédrale près de laquelle les Vandales l'avaient massacrée, et tout près du lieu de son supplice, à côté des portes du sanctuaire, s'élevait le baptistère. Mais surtout, Reims était à peu près un centre du royaume de Clovis, tel qu'il était constitué après sa victoire sur les Alamans. À l'église de Reims était préposé l'évêque Rémy, qui avait été en relation, depuis le début du règne, avec Clovis, était devenu son principal conseiller et l'avait instruit dans les dogmes chrétiens. De nombreux prélats se rendirent dans cette ville, et au jour fixé, un grand cortège se déroula de l'ancien palais du gouverneur romain, situé près de la porte basée, Porta Basilica, jusqu'au baptistère. Les places publiques étaient ornées de tapisseries, les églises tendues de voiles blancs, le baptistère splendidement décoré. De nombreux cierges y brûlaient, l'encens y exhalait ses parfums, et les assistants purent se croire transportés au milieu des délices du paradis. Contrairement au rituel, le roi annonça le premier son intention de se faire baptiser. Il voulait faire entendre que, de sa propre initiative, sans aucune sollicitation, il devenait chrétien. Il descendit d'un pas ferme dans la cuve baptismale, ses longs cheveux défaits, la poitrine couverte, au lieu de la cuirasse, de la blanche robe des catéchumènes. Les évêques présents firent couler sur ses membres l'onde qui donne le salut. Rémy, qui présidait à la cérémonie, prononça la formule « Sicambre, baisse doucement ton cou, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. » Puis, à trois reprises, il lui plongea la tête dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et après le baptême, éloignit son front du Saint-Crème, lui donnant immédiatement la confirmation. 3 000 francs et davantage furent baptisés après le roi. Fut baptisée aussi l'une des sœurs de Clovis, Albofled. Elle mourut peu de temps après, et Rémi adressa au roi, en ce deuil, une lettre de consolation qui nous a été conservée. Une autre sœur du roi, Lantéchilde, était déjà chrétienne, mais arienne. Elle confessa que le fils était consubstantiel au Père et au Saint-Esprit, et elle fut simplement confirmée selon le rite catholique. Un souvenir se présenta tout naturellement à l'esprit des évêques présents, celui du baptême de Constantin, tel que l'histoire en avait été racontée dans la vie de saint Sylvestre. À l'instigation de sa femme, fille de Dioclétien, exposait ce document. Constantin avait ordonné une persécution contre les chrétiens. L'évêque de Rome se réfugia, pour échapper à ses coups, dans une caverne du mont Siraptim. Mais Dieu frappa de la lèpre l'empereur romain. En vain demanda-t-il guérison aux médecins, aux devins, aux mages. Mais voici que les apôtres Pierre et Paul lui apparurent en songe, lui dirent de faire revenir Sylvestre, qui seul le pourrait guérir par les eaux du baptême. Constantin obéit, voulut recevoir le baptême dans les bains du Latran, et au moment où il entra dans l'eau sainte, une vive lumière lui apparut, et il fut tout à la fois guéri et régénéré. Clovis entra de même dans la piscine baptismale pour effacer la lèpre des vieux péchés et faire disparaître dans l'eau fraîchement bénite les anciennes souillures. C'est à bon droit que Clovis faisait songer à Constantin. Ces deux hommes ont accompli une révolution semblable. Constantin a fait de l'empire romain païen un empire chrétien. Clovis a donné ses francs à l'Église. Sans doute, tous ne furent pas convertis avec lui. Mais après le baptême de Reims, il était certain que tôt ou tard, tous se convertiraient et son jeune royaume prit désormais un caractère chrétien. Francs et gallo-romains, pratiquant un même culte, unis dans une même religion, pourront fusionner et bientôt ne formeront plus qu'un seul peuple. Il y a plus. Déjà le clergé, par la plume d'Avitus, invitait le roi des Francs à faire connaître les bienfaits de la religion aux autres populations germaniques. Puisque Dieu, par vous, va faire de votre nation entièrement la sienne, répandez la bonne semence de la foi qui remplit votre cœur chez les peuples plus lointains. La nation franque allait devenir le peuple de Dieu, ses soldats seront les soldats de Dieu, ses prêtres les missionnaires de Dieu. Mais entre tous les partis qui se partageaient le christianisme, Constantin s'était déclaré pour celui qui formulera sa foi au concile de Nicée, pour l'Église qu'allait devenir la vraie Église catholique. Clovis se rallia à la doctrine orthodoxe et au symbole de Nicée. Il aura, par suite, comme partisan non seulement les évêques de son royaume, mais encore ceux qui vivaient sous la domination des Visigoths ou des Burgondes ariens. Avitus, évêque de Vienne dans le royaume des Burgondes, s'empressa de lui envoyer ses félicitations. « La providence divine a fait de vous l'arbitre de notre temps. Vous avez choisi pour vous, mais vous avez indiqué à tous la voie à suivre. Votre foi, c'est notre victoire. » Avec le baptême de Clovis, l'orthodoxie triomphait et l'arianisme allait être vaincu. Les prélats des royaumes visigothiques ou burgondes pouvaient sans doute espérer qu'un jour leur roi professerait, comme Clovis, la vraie foi et restait ainsi loyaux sujets. Mais comme leurs rois demeurèrent fidèles à l'arianisme ou se convertirent trop tard, ils n'eurent aucun scrupule à les abandonner après la victoire des rois francs. La conversion de Clovis lui assura la conquête du royaume des Visigoths en très grande partie. Elle assura à ses fils la conquête de la Bourgogne. Les Francs purent créer à nouveau, ou à peu près, l'unité de la Gaule. C'est au baptême de 496 que notre France doit sa naissance. C'est dès ce moment que ces rois pouvaient passer pour les rois très chrétiens. Et bientôt l'auteur de l'un des prologues de la loi salique écrira « Vive Dieu qui aime les Francs ». Clovis entra-t-il en relation, après son baptême, avec l'évêque de Rome? On cite parfois une lettre de félicitations que lui aurait envoyée en 497 le pape Anastase. Mais elle a été fabriquée de toutes pièces au XVIIe siècle par un érudit peu scrupuleux. Certainement, quelque temps après la mort du roi des Francs, le pape Hormisdas, 514-523, reçut du royaume franc une magnifique couronne votive ornée de pierres précieuses. L'un des fils de Clovis l'adressait au successeur de Saint-Pierre au nom de son père exécutant peut-être l'une de ses volontés. Le roi franc, qui s'était converti à l'orthodoxie, voulait-il, par un tel don, montrer toute sa déférence envers le Saint-Siège? Bien des légendes s'attachèrent dans la suite au baptême de Reims, et peu à peu, le caractère même de la cérémonie fut dénaturé. En l'année 869, le roi Charles le Chauve s'était, à la mort de son neveu Lothaire II, emparé du royaume qu'on appelait la Lorraine, et le 9 septembre, il se fit sacré roi de cet état dans la cathédrale Saint-Étienne de Metz. L'archevêque de Reims, le célèbre Hincmar, réclama le droit de procéder à la cérémonie, puisqu'aussi bien les relations entre les deux sièges de Metz et de Reims avaient toujours été étroites, que l'archevêque de Trèves, métropolitain de la Belgique première dont Metz faisait partie, étant mort, le métropolitain de la Belgique seconde, Reims, le devait remplacer, puisqu'enfin à Reims, Clovis avait été baptisé et sacré roi avec un Saint-Crème venu du ciel et dont nous possédons encore. Ainsi, comme à l'époque carolingienne, l'usage, emprunté à la Bible et au royaume anglo-saxon, s'était introduit de sacrer les rois, usage entièrement inconnu aux Mérovingiens, on arriva à croire que le 25 décembre 496, Clovis avait été à la fois baptisé et sacré, et bientôt on oublia le baptême et on ne parla plus que du sacre. C'est pour le sacre de Clovis qu'une colombe aurait apporté du ciel une ampoule remplie du Saint-Crème. Et il ne nous déplaît point que la légende ait uni le baptême de Clovis à ces belles cérémonies du sacre dont Reims a eu à peu près le monopole depuis l'avènement au trône des descendants de Robert le Fort. Reims a été, en 496, on peut le proclamer, le berceau de la monarchie française. Puis, ici, a véritablement commencé le règne de tous ces rois capétiens, Valois ou Bourbons, qui ont fait la grandeur de la France ou qui l'ont tiré, avec Charles VII, des pires misères. L'emplacement du baptistère de 496 se trouve englobé dans la magnifique cathédrale dont Jean d'Orbais traça le plan en 1211 et qui représente dans sa perfection l'art français au XIIIe siècle. Toute l'histoire de France est attachée à cet édifice et résumée en lui. Et voilà sans doute pourquoi les barbares, qui ont voulu anéantir la France, s'acharnent contre ces pierres vénérables. Ainsi s'achève le baptême de Clovis par Christian Pfister.